un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Pour cette dernière semaine d'un été d'écrivain, une émission spéciale consacrée à Franz Hessel et son fils Stéphane. Toute cette semaine, Bernard Pingot s'entretient avec Stéphane Hessel, une émission enregistrée en 1988. À voix nue. Hommage à Stéphane Hessel, décédé ce 27 février 2013. C'était en mai 1988, Bernard Pingot rencontrait ce grand défenseur des droits de l'homme. Lorsque vous arrivez aux Nations Unies, dans ces années 46-50, où vous êtes à New York, vous travaillez dans différentes organisations unies, notamment les COSOC, dont on a parlé hier. Mais à l'époque, les problèmes du développement commencent un petit peu à surgir, mais on ne parle pas encore des problèmes nord-sud. Alors comment vous voyez-vous le surgissement progressif de ce problème ? Mais c'est bien effectivement au Conseil économique et social, et COSOC, comme on dit en abrégé, que les problèmes de développement ont surgi d'abord, mais sous une forme qui, au début, était assez limitée à un problème, le financement du développement. C'était l'époque où on pensait que ce dont manquaient les malheureux pays non encore industrialisés, c'était du financement. Les pays dont vous parlez là maintenant n'étaient pas encore membres des Nations Unies, certains n'étaient même pas encore des pays indépendants. Alors c'est effectivement le point essentiel qui explique pourquoi le Nord-Sud est devenu la préoccupation fondamentale. Mais si je parlais du Conseil économique et social et de cette première phase où on ne parlait que de financement du développement, c'est qu'à l'époque étaient déjà membres des Nations Unies, les pays d'Amérique latine, n'est-ce pas, qui y ont été pratiquement dès le début, un certain nombre de pays d'Asie, comme l'Inde qui est devenue membre et le Pakistan en 47, donc des pays qui n'avaient pas, il faut bien le dire, les mêmes problèmes que ceux qui vont surgir quelques années plus tard de la décolonisation. Mais ces premiers pays non développés, insuffisamment développés. On utilisait même à l'époque le terme sous-développé, qui est devenu tabou depuis. Maintenant, on dit en voie de développement, alors qu'ils sont plutôt en voie de sous-développement. Il y a encore une catégorie en dessous, d'ailleurs. Il y a les pays... Maintenant, il y a les pays les moins avancés. Les moins avancés. Les malheureux. Alors, ceux-là, ils n'ont aucune chance d'atteindre le cycle rostovien bien connu. Donc, disons qu'à l'époque, dans ces années 46-50, où j'étais à New York auprès d'Henri Laugier, on commence à parler développement, mais on en parle encore sous la rubrique financement et assistance technique. De quoi est-ce que ces pays ont besoin ? Ils ont besoin de notre technologie. Il faut que nous leur transférions, que nous leur envoyions des experts, que nous formions dans nos belles universités les futurs cadres de ces pays. Tout ça, c'était la première grande illusion sur le Nord-Sud. Et vous allez voir, nous allons rencontrer tout au long de notre conversation d'aujourd'hui, je le crains, la succession des illusions. On a toujours été plein de bonne volonté. Les Nations Unies ont toujours pensé qu'il fallait soulager la misère du Sud. Mais les moyens utilisés ont toujours été inadéquats. Le premier moyen, c'était d'abord de décider quelle part les pays développés, quelle part de leur revenu national, ils allaient consacrer à ce développement. Alors, est-ce que cette question-là s'est posée dès le début ? Est-ce qu'on a fixé un pourcentage, oui, pris des engagements? On a effectivement, dès 1964, vous voyez, c'est pas tout c'est de suite. C'est déjà plus tard, oui. 1964, la première conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, qui s'est tenue à Genève et où la France était représentée par André Philippe, qui a été l'instigateur du 1%. C'est lui qui a fait passer le vœu, ça n'était pas un engagement, mais le vœu que les nations industrielles consacrassent régulièrement tous les ans 1% de leur produit national brut pour venir en aide au Sud. Et je rappelle aussi qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, si vous voulez, les États-Unis étaient les grands promoteur de l'idée d'une assistance technique et financière aux pays du Sud. Et précisément, on s'est aperçu assez vite et assez tristement que les transferts financiers, même si on avait atteint le 1% du PNB qu'on n'a jamais atteint, ou si on avait par exemple donné suite à l'idée de Paul Hoffman, premier administrateur du plan Marshall, et qui est devenu ensuite, coïncidence qui vous frappera, le premier administrateur du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement. Eh bien, Hoffman avait calculé qu'avec 5 milliards de dollars par an, on arriverait à résoudre les problèmes du Sud. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui nous paraît absolument dérisoire. À l'époque, on disait, oulala, mais 5 milliards, on va jamais arriver à les avoir. Donc, vous voyez, ces problèmes changent à une vitesse faramineuse et la tristesse de ma vie, je peux bien le dire, a été d'être associé à ces efforts et de voir à chaque étape successive ces efforts ne pas obtenir les moyens nécessaires pour le succès. Alors, essayons de voir justement ces étapes une après l'autre. Vous parlez du fonds spécial pour le développement. Il a été créé à quelle époque ? En 1959. 59. Qu'est-ce que vous pouvez marquer un petit peu l'historique de cette lutte, la lutte de Sisyphe, enfin ? Lutte de Sisyphe, c'est un très joli terme que je retiens volontiers. Premier rocher qu'on a essayé de soulever, c'est le programme élargi d'assistance technique confié à un de mes vieux amis, un Vénézuélien merveilleux, Manuel Pérez Guerrero, qui a essayé d'ameuter les possibilités d'expertise technologique pour aider l'ensemble des pays du Sud. Il y a eu là un grand effort dans les années 49-50. À ce moment-là, vous êtes toujours... Vous êtes encore à New York. Quelques années plus tard, on s'aperçoit que l'assistance technique, c'est pas mal, mais que ce qui manque, c'est ce qu'on a appelé des fonds de pré-investissement. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à attirer les capitaux nécessaires, capitaux privés et publics, dans les pays dont il s'agissait de valoriser les ressources. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il manquait d'experts, on pouvait leur en fournir, mais parce que les études de faisabilité, les études de pré-investissement nécessaires pour faire des choses vraiment utiles n'étaient pas financées. La Banque mondiale faisait des prêts pour des opérations, mais ce qui devait précéder les opérations, le pré-investissement ne se faisait pas. Et ça a été la grande idée de Paul Hoffman, que j'ai déjà évoqué comme premier administrateur du plan Marshall, qu'il fallait réserver des ressources importantes de l'ordre de 500 millions ou 1 milliard de dollars pour faire du pré-investissement. Et ça a été la naissance du fonds spécial, 1959. Alors attendez, là, il s'agit d'opérations essentiellement financières. L'assistance technique, précisons bien, c'est la politique qui consiste à mettre à la disposition des pays en voie de développement, des ingénieurs, des experts, des professeurs, des agronomes. Et aussi de la formation, c'est-à-dire des bourses permettant à leurs propres nationaux de venir se former dans les universités du Nord ou dans les écoles du Nord. Et ces programmes d'assistance technique étaient élaborés, évidemment, en liaison directe avec ces États. Est-ce qu'on tenait compte fondamentalement de leurs aspirations, de leurs demandes, ou est-ce qu'on avait l'idée préconçue qu'ils devaient se développer de telle et telle manière et qu'on ne les aidait que s'ils acceptaient ce chemin. Vous mettez le doigt sur ce qui a été la deuxième illusion. Je parlais d'illusion. La première illusion a été de l'argent et tout ira bien. La deuxième illusion a été, vous ne savez naturellement pas exactement ce qu'il vous faut, mais nous le savons pour vous. Et nous allons vous le dire. Et nous allons vous envoyer d'excellents économistes et des industriels qui vont regarder le problème avec vous, naturellement, qui vont écouter ce que vous aurez à leur dire. Mais enfin, ce que vous avez à leur dire, forcément, ne peut pas être très valable parce que vous n'avez pas l'habitude de l'industrialisation et du développement. Nous savons ce que c'est et nous allons vous le dire. Et ça a été la deuxième illusion, c'est que les malheureux ministres du plan ou autres ministre de l'agriculture de pays d'Afrique ou d'Asie n'avait pas la force de conviction nécessaire pour expliquer à ces experts qui venaient là que cette façon d'opérer qu'on leur proposait allaient à l'encontre de leurs habitudes culturelles et de leurs habitudes nationales. Alors ils étaient gênés et ils disaient, bien, vous voulez faire un grand barrage, eh bien faites un grand barrage. Donc vous voyez, il faut une période de maturation. C'est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Et tout le drame du développement, c'est qu'au fond, on ne sait pas très bien quel serait un succès du développement. C'est à ça que nous avons été plusieurs à réfléchir. Est-ce que c'est pas alors là, est-ce que nous d'abord, enfin, je pose cette idée comme un simple jalon, parce qu'on y reviendra certainement. Il me semble que ce que nous sommes en train de découvrir là avec vous, c'est que même si première raison d'échec, le financement, ça ne suffit pas. Deuxième raison d'échec, c'est pas adapté. Voilà. Mais troisième raison d'échec, semble-t-il, qui se glisse là-dedans, ça peut être adapté. Au sens où les critères des échanges mondiaux s'appliquent et où ce pays apparaît en effet comme un partenaire dans l'économie mondiale, mais ça n'est pas adapté si, alors là c'est un choix politique auquel moi j'adhère évidemment tout à fait comme vous, si on considère que l'objectif du développement c'est d'abord la population du pays lui-même et non pas simplement de faire en sorte que ce pays soit présent sur le marché mondial dans tel ou tel domaine. N'est-ce pas? Je pense que nous pensons tous les deux la même chose là-dessus, et nous le pensons peut-être pas depuis tellement longtemps, parce que je pense que nous avons été victimes, en tout cas je l'ai été, de l'idée répandue dans les années 60 et même au début des années 70, que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il ait des industries industrialisantes, c'était la grande idée de Bernice, de Pérou, et pour cela il faut qu'il ait un État fort, une structure ferme, aussi autoritaire que cela est nécessaire, et qu'il fasse son développement à partir d'une considération des grandes masses, des grandes quantités et du long terme, et qu'il ne s'occupe pas trop des misères inévitables sur le parcours. Et je crois que c'est... Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une industrie industrialisante? C'est une industrie qui engendre d'autres industries? Oui, c'est le schéma soviétique, si vous voulez, à la base, qui a beaucoup impressionné beaucoup de pays en développement. Il faut bien reconnaître aussi que la présence de l'Union soviétique et de ses thèses au sein des Nations unies a été un facteur qu'on ne peut pas négliger. Des pays comme l'Algérie, mais même l'Inde, à certaines phases de son développement, beaucoup de pays d'Afrique se sont dit, voilà, parti unique, ça marche bien, industrie lourde pour commencer, autonomie par conséquent de ces grandes bases de l'industrie, et on va devenir nous aussi un pays développé. Or, non seulement l'échec de ces pays est aujourd'hui patent sur ce plan, ils ont négligé l'agriculture, comme l'Union soviétique elle-même a négligé l'agriculture, et par conséquent, leur richesse a été une richesse concentrée quelquefois en quelques mains pétrolières, alors ça, c'est l'exemple par excellence. Et là où il y a des ressources abondantes, naturelles, à valoriser, c'est là que c'est le plus difficile d'établir une économie démocratiquement étendue sur l'ensemble de la population et qui ne profite pas seulement à quelques-uns. Mon cher Stéphane Hessel, vous venez de prononcer le mot démocratie. Et j'ai souvent entendu notre ami commun Michel Rocard soutenir la thèse que la démocratisation... Ça n'est pas seulement une exigence de justice, une exigence de morale sociale, mais c'est aussi une exigence d'efficacité. Et il prend souvent comme exemple justement les pays en voie de développement en disant ceux où le développement a réussi, où le décollage économiquement, enfin un décollage satisfaisant économiquement s'est produit, il se trouve que ce sont aussi ceux qui ont renoncé à un système purement autoritaire, enfin qui sont passés à la voie plus ou moins démocratique, enfin pas forcément la démocratie telle que nous la concevons encore en Europe, mais en tout cas un régime où la population est associée à l'élaboration des programmes. La démocratie économique étant là directement liée à la démocratie politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Ah mais non seulement ça me paraît la seule thèse valable, mais je dirais que c'est cette thèse-là que des hommes comme Michel Rocard ou Jean-Pierre Cotte, qui a été ministre de la coopération au moment où j'étais moi-même délégué interministériel, ces hommes ont compris que c'était là, non seulement, comme vous le dites, la voie souhaitable par un souci de justice, mais que c'était c'était l'objectif qui seul pouvait permettre de passer d'une certaine phase de développement autoritaire assez malsain souvent, et en tout cas n'apportant pas la vraie solution au problème de la population, à une autre phase. Mais ce passage, il n'est pas facile. Et je suis de ceux qui plaident toujours pour la patience. Il ne faut pas s'étonner que les relations gouvernement à gouvernement, tels qu'ils sont pratiqués au sein des Nations Unies ou tels qu'ils sont pratiqués dans la coopération bilatérale, ne donnent pas rapidement des résultats spectaculaires. Car cette démocratie, elle est très difficile à faire naître. Nous avons très peu d'exemples de pays du Sud qui ont même un début de véritable démocratie. Alors, on peut par conséquent penser que le développement de l'économie et le développement politique et démocratique sont deux choses qu'il faut faire marcher de pair, sans trop espérer que l'un suffira si l'autre n'est pas présent aussi. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, je crois qu'il faut aussi aider les pays autoritaires, mais il faut les aider en sachant que la véritable efficacité de cette aide ne commencera à entrer dans la réalité du pays que lorsque ce sera également relâché l'autoritarisme des gouvernants. Un exemple, si vous voulez, dont je me suis tellement occupé tout au long de ma vie que j'ai envie d'en parler tout de suite, c'est l'Algérie. Voilà un pays qui a commencé par imiter très fortement le modèle soviétique dans sa structure et dans sa forme de gouvernement. Eh bien, depuis quelques années, il y a une grande volonté de démocratisation. Elle accompagne un relèvement progressif des niveaux de vie en Algérie. Donc, les deux choses doivent être considérés comme concomitants. Nous parlons, si vous voulez bien, de l'Algérie dans notre prochain entretien, qui sera consacré essentiellement aux problèmes de coopération et décolonisation et au passage, aux années que vous avez passées vous-même en Algérie. Votre intérêt à vous pour le développement, donc il commence à naître dans les années, dès le début de votre séjour à l'ONU. Comment avez-vous pris conscience de l'acuité de ces problèmes? En réalité, je n'ai commencé à être personnellement un peu actif dans le domaine du Nord-Sud que une quinzaine d'années plus tard, c'est-à-dire lorsque, ayant été dans l'intervalle diplomate français au Vietnam, puis en Algérie, j'ai pris conscience de la faiblesse et en même temps de la nécessité d'un effort accru de la part des organisations internationales. Et je suis revenu à New York en 1971 comme administrateur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, à un moment où je commençais à avoir des idées un peu moins schématiques, peut-être un peu moins obscur qu'au début, sur ce que pourraient faire les Nations Unies pour le développement. Ce programme, il était déjà à cette époque-là lancé depuis plusieurs années. Ce programme a été lancé, successeur donc de ce fonds spécial créé en 1959, qui a pris un nouveau nom et une nouvelle extension quelques années après, en 1965. Et j'y ai été précédé par un ami, un collègue, Paul Marc-Henri, ambassadeur de France, lui aussi maintenant, qui a fait une grande carrière dans les organisations internationales et qui avait lancé au sein du programme des Nations Unies pour le développement l'idée d'une succession de projets et de programmes intégrés pour chacun des pays bénéficiaires. Une négociation qui devait se passer entre les Nations Unies et le pays en question. Il était surtout préoccupé d'ailleurs des pays africains qui venaient d'accéder à l'indépendance. Et il a fait là un premier travail très passionnant. Alors moi-même, je suis arrivé là-bas, à New York, retrouvant une ville que j'avais quittée 20 ans plus tôt. Oui. Absolument, et qui s'était pas mal transformé dans l'intervalle, retrouvant des équipes qui m'étaient très sympathiques, ces fonctionnaires de tous les pays, ces fonctionnaires internationaux qui travaillaient ensemble avec une espèce de très grand dévouement et sensation en même temps combien c'était difficile. C'est le commencement de l'accroissement de la complexité. Si vous voulez, au début, on croit que les choses sont simples, on s'aperçoit qu'elles sont compliquées. Alors vous êtes revenu, Stéphane Hessel, vous êtes revenu à l'ONU, soyons précis pour les dates, en 1969. Et à cette époque-là, vous étiez directeur des Nations Unies et des organisations internationales. C'était un poste de responsable. À Paris. À Paris. Oui. Je suis rentré d'Algérie à Paris et pendant 2 ans, j'ai été au département, au ministère des Affaires étrangères, l'homme clé pour les Nations Unies. On avait considéré que je connaissais assez bien cette mécanique pour me confier cette importante direction. Et par un coup de tête que mes amis n'ont pas compris, qu'ils ont considéré comme un peu une aberration, je me suis laissé recruter par Paul Hoffman, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, alors que j'avais une belle carrière d'ambassadeur devant moi si j'étais resté à Paris, mais j'étais passionné par le multilatéral opérationnel. Si vous voulez que je précise ces termes, c'est-à-dire par d'une part l'action internationale, celle des Nations Unies et des institutions spécialisées, Banque mondiale, Fonds monétaire, etc., vis-à-vis du développement, non pas sous forme de débat, de délibération, de conférence, mais sous forme d'action sur le terrain. D'action, d'organisation de programmes et d'application de ces programmes. Exactement. Alors vous devenez l'adjoint de Paul. Je deviens l'adjoint de Paul Hoffman. Malheureusement, un an après, Paul Hoffman est obligé de se retirer, atteint par l'âge, et il est remplacé par un banquier américain, Rudolf Peterson, avec lequel je n'éprouve aucun atome crochu, qui prend le programme des Nations Unies pour le développement comme un banquier, c'est-à-dire essayer de le rendre rentable, ce qui était à mon avis absurde, et je le quitte un an plus tard pour revenir à Paris. Alors courte période. Ouais, qu'avez-vous pu faire pendant cette courte année, finalement? À vrai dire, j'ai surtout voyagé, hein. Il faut bien le reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un programme comme ça? On va sur place dans le plus grand nombre de pays possible pour essayer de voir comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et c'est ce qui m'a permis, là encore, de vérifier ma thèse, triste thèse, de la succession des illusions. Illusion sur le financement, nous l'avons dit, illusion sur l'expertise et sur le modèle transféré, illusion, enfin, sur ce que l'on peut obtenir en ne travaillant qu'avec des gouvernements. Et au fond, ma récente découverte, ou du moins ma conviction récente, c'est qu'il faudra de plus en plus travailler non pas d'État à État ou d'organisation interétatique à État, mais de société civile à société civile. C'est lorsque nous arriverons à mettre en contact les entreprises, les professionnels, les différentes composantes d'une société du Nord avec les composantes correspondantes des sociétés du Sud, que nous arriverons à des résultats un peu moins pénibles, un peu moins tristes, un peu moins décevants. Est-ce que ça n'est pas quand même déjà ce qui se fait dans une certaine mesure en Égypte? C'est un pays qui a d'énormes besoins de développement démocratique qui sont très loin d'être satisfaits. Et ce n'est hélas pas la construction d'un métro, même s'il rapporte pas mal d'argent aux sociétés françaises qui en sont les partenaires, qui va enrichir le fellah égyptien. Donc voyez-vous, bien sûr, depuis toujours, on fait de la coopération économique et commerciale. Mais précisément, un des drames, c'est que cette coopération qui a été dénoncée en termes merveilleux et véhéments par André Postelvinet, qui a été longtemps le président directeur général de la Caisse centrale de coopération économique, cette forme de coopération bénéficie davantage au nord qu'au sud. Si l'on veut renverser les termes, si l'on veut qu'une coopération bénéficie vraiment au sud, ce qui est malgré tout l'objectif avoué des Nations Unies, qui justement, n'ayant pas de nations à enrichir, sont décidés en principe à ne prendre en compte que les besoins du Sud. Mais c'est extrêmement difficile de nouer ce type de contact. Ça commence, vous avez raison de le souligner, ça commence parce qu'il y a une maturation. La maturation, c'est ce sur quoi j'insiste toujours. Maturation, ça veut dire une complexité croissante prise en compte par des acteurs plus nombreux. Les acteurs du Sud, aujourd'hui, comprennent mieux pourquoi il y a eu échec. Nous aussi, nous le comprenons sans doute mieux. Et par conséquent, si nous sommes convaincus, ce qui n'est pas encore fait, que le développement du Sud est pour nous la condition sine qua non d'un développement mondial équilibré, comme l'a souligné François Mitterrand dans chacune de ses déclarations sur ce point, si nous en sommes vraiment convaincus, nous devons rechercher non pas la meilleure manière de faire du Nord-Sud en bénéficiant à nos entreprises, comme nous avons fait pendant 20 ans, mais la meilleure manière pour nos entreprises d'être présentes là où peut surgir peu à peu un véritable développement du Sud. Mais vous disiez que il fallait passer d'une coopération interétatique à une coopération entre sociétés civiles. Le problème n'est-il pas que souvent les coopérants les mieux intentionnés dans cette perspective se heurtent à un barrage de la part des États eux-mêmes qui ne souhaitent pas qu'on vienne se mêler de tel ou tel domaine. Je vais vous citer un petit exemple que je tire encore de l'Égypte qui m'avait frappé là-bas. En matière médicale, par exemple, ce que souhaitent essentiellement les Égyptiens, parce que les interlocuteurs égyptiens sont en général des médecins brillants, formés à l'européenne, c'est qu'on envoie en Égypte un grand professeur français qui va faire une opération très difficile avec toute une équipe une chose spectaculaire. Mais lorsque l'on parle d'essayer de participer à la lutte contre un bilharziose, par exemple, qui est le fléau numéro un de l'Égypte, ou qu'on parle des soins de santé primaires, on a le sentiment là de se heurter à barrage et de choquer leur orgueil national, si vous voulez. Ça c'est à nous de le faire et pas à vous, étrangers. Et malheureusement, ils le font pas ou ils le font très mal. Voilà, mais je crois que vous définissez en quelques phrases ce qui est le fond du problème. Qui sont les interlocuteurs? Avec qui est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on traite avec des gens qui ont eux-mêmes le souci du développement? Et d'où le tirerait-il ce souci du développement? De quelle formation, de quelle tendance intellectuelle dont ils seraient plus ou moins les porteurs? Eh bien, c'est là peut-être que les organisations mondiales ont un rôle très important à jouer. Vous parlez de santé. Qu'a fait finalement l'Organisation mondiale de la santé peut-être de plus utile? C'est de réunir les ministres de la santé de tous les pays du monde dans une grande conférence qui s'est tenue en Union soviétique à Alma-Ata, je ne sais plus exactement en quelle année, les années 70, et où ils ont tous convenu que les soins de santé primaire, précisément, devaient avoir absolument la priorité dans l'effort médical de tous les pays en voie de développement. Ils l'ont dit, et puis ils sont rentrés chez eux, et chez eux, ils ont été de nouveau victimes, si j'ose dire, de ces brillants médecins que vous évoquiez en Égypte et qui existent dans tous les pays, et qui, eux, s'intéressent à une merveilleuse opération à cœur ouvert, comme on n'a jamais vu encore dans ce bas monde. Alors, voilà les tendances qui se confrontent, qui se chevauchent, qui vont de façon compliquée, l'une empiéter peu à peu sur l'autre. 20 ans, c'est très court. Dans 50 ans, les soins de santé primaire auront peut-être gagné la partie. Et notre effort, surtout en tant que fonctionnaires internationaux, si nous le sommes, comme je l'ai été pendant ces quelques années, c'est d'encourager partout ceux qui veulent le vrai développement à l'emporter sur ceux qui veulent autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut désirer quand on fait partie d'un pays du Sud. Sa promotion personnelle, l'idée d'un État prestigieux, l'idée de l'unité nationale qui va quelquefois à l'encontre du développement. Bref, c'est pas facile. C'était À Voix Nue, hommage à Stéphane Hessel, l'inspirateur du mouvement des indignés décédé le 27 février 2013 et que Bernard Pinault avait rencontré en mai 1988. Réalisation Anne-Pascale Desvigne, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Hessel avec Bernard Pinault. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie. Le temps de la lecture avec Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, réalisé par Étienne Vallès. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes du feuilleton consacré à l'écrivain allemand Franz Hessel, père de Stefan Hessel, par Bruno Takens. Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takels. Troisième épisode. Aujourd'hui, la flânerie comme art philosophique. Avec Olivier Clavery, Bruno Takels et la voix de Maxime Dambrun. La flânerie comme art philosophique. Lettre imaginaire de Bruno Takels à Walter Benjamin. Cher Monsieur Benjamin, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de prolonger la correspondance engagée avec vous depuis quelques années, lorsque j'ai osé commettre votre biographie. En me promenant dans les différents livres de Franz Hessel, je suis frappé de voir à quel point, exactement comme vous, il a engouffré toute sa vie dans les textes qu'il a écrits. Une manière de ruse ou de pudeur, ou plutôt cette volonté de trouver toujours la bonne distance, d'inventer des médiations justes qui permettent d'être précis et rigoureux dans son rapport aux autres. Avec Franz, vous avez décidément beaucoup de choses en commun, à commencer par cette posture étrange qui peut rapidement passer pour de l'étrangeté. Dans une lettre à Gerhard Schollem, datée du 29 mai 1926, vous écrivez « Franz Hessel aussi est à Paris. Un homme à qui je suis très lié grâce à la traduction de Proust et à sa connaissance de la ville et à des réactions sur bien des points communes. » Quelques mois plus tard, vous lui écrirez à nouveau à propos de cet homme agréable lorsque vous évoquez votre projet de traduction commune de la recherche de Marcel Proust. Un projet qui, comme Franz, va vous pousser à une existence elliptique entre Paris et Berlin, que vous résumez à votre ami épistolaire en ces termes. Selon toute présomption, les choses vont prendre la tournure suivante. La totalité de Proust en allemand reviendra à Hessel et à moi, Franz Hessel, dont tu dois avoir une petite idée par ses livres ou par mes lettres, et qui m'est un collaborateur très cher, agréable et intime. Cette traduction de Proust sera vécue par vous comme un empoisonnement intérieur. Tant ces visées vous sont proches, mais réalisées avec une telle ampleur grandiose qu'elle aura pu vous terrasser d'impuissance. Vous reconnaissez aussi que c'est grâce à Hessel que vous avez pu mettre à l'épreuve du réel vos idées nouvelles sur la traduction. Il vous aura sans doute initié aux deux choses les plus essentielles, le langage et la ville. Mais il est un troisième pôle de la vie de Franz qui vous restera complètement étranger, son amour des femmes, la femme de ses amours. Hélène avait pourtant préparé ses stratégies de chasseresse, espérant visiblement vous attirer dans ses filets. En vain, à l'évidence, quand on lit ce que vous en confiez à votre ami Jula Rath. Je suis donc pour un certain temps seul à Paris. Je ne compte pas Madame Hessel, parce que si par hasard elle est ici, elle est très prise par des affaires à elle. Mais surtout parce qu'il n'en résulte pour moi qu'un exercice de manœuvre sociale qui ne m'amuse pas toujours, même si ça réussit. Elle trouve, de temps en temps, un plaisir comique à flirter avec moi, et je m'obstine, avec non moins de plaisir, à l'éviter. En quelques lignes, vous faites éclater toute la complexité de ce couple hors du commun, prototype d'une vie singulière qui n'a pas encore de nom. Et en même temps, vous semblez passer à côté de cette expérience inédite que Franz et Hélène ont initiée avec l'amour, littéralement élevée au rang d'une flânerie. Vous avez préféré ne pas entrer dans l'univers aventureux des Hessel, dans lequel Franz avait su percer de nouveaux sentiers. Vous auriez pu vous y promener avec eux, mais vous n'étiez pas fait pour le rôle. Il vous aurait fallu pouvoir endosser l'habit d'un donjon à la pulsion inapaisable. C'est Henri-Pierre Rocher qui va décrocher le rôle. En plus de l'amour de la flânerie qu'il a su vous communiquer, Franz Hessel était habité par une autre passion, plus secrète encore, incertaine et dangereuse. Il était un véritable flâneur de l'amour, ivre donc de tout ce que la vie lui découvre, comme tout flâneur, vous le savez bien. Dans sa vie, La sagesse venait aussi bien des livres que des villes et des femmes. Un triangle magique qui n'est pas donné à tout le monde. Je tenais à vous faire part de ces quelques intuitions qui appellent bien sûr un développement. Dans l'attente de lire vos réactions et votre regard rétrospectif, veuillez recevoir l'expression de mon plus profond respect, votre Bruno Tackels. C'est seul, promenade dans Berlin. Extrait. Marcher lentement dans les rues animées procure un plaisir particulier. On est débordé par la hâte des autres. C'est un bain dans le ressac. Mais quelque habile que vous soyez à leur céder le passage, mes chers concitoyens berlinois ne vous facilitent pas les choses. J'essuie toujours des regards méprisants lorsque j'essaie de flâner parmi les gens affairés. J'ai l'impression que l'on me prend pour un pickpocket. Les filles des grandes villes, prestes et guindées, à la bouche insatiablement ouverte, se fâchent lorsque mes regards s'attardent le long de leurs épaules qui flottent et de leurs joues qui planent. Non pas qu'elles soient absolument contre le fait qu'on les regarde, mais ce regard au ralenti de spectateurs innocents les énerve. Elle remarque que, chez moi, il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière. Je voudrais en rester au premier regard. Je voudrais avoir, ou retrouver, le premier regard pour la ville où je vis. Du reste, dans les faubourgs plus calmes, je suis considéré d'un air moins désagréable. Il y a, au nord, une place avec des échafaudages en bois, une carcasse de marché. Et tout à côté, l'épicerie de la veuve Coleman, qui elle aussi est en haillons. Elle a, contre la véranda à claire-voie de son commerce, des pots de géranium perchés sur des liasses de vieux papier, des chalis et des fourrures. Géranium. Pourpre palpitant dans un univers d'une indolente grisaille que je ne peux m'empêcher de pénétrer longuement du regard. La veuve me jette des regards méchants. Elle n'ose pas pester, elle doit me prendre pour un policier en civil. Peut-être ses papiers ne sont-ils pas en règle. Je suis pourtant bien intentionné à son égard. J'aimerais bien lui poser des questions sur son magasin et sa conception de la vie. À présent, elle me voit m'éloigner enfin et regarder en face, là où la rue transversale monte, le jarret des enfants jouant à la balle contre le mur. Des filles aux longues jambes, spectacle ravissant. Elle renvoie la balle, alternativement de la main, la tête et la poitrine, en pivotant. Et leur jarret semble être le centre et l'amorce de leur mouvement. Je sens derrière moi la veuve de l'épicerie tendre le cou. Va-t-elle signaler à l'agent de police quel genre de type je suis? Oh, rôle suspect du spectateur. À la nuit tombante, les vieilles et les jeunes femmes s'accoudent aux fenêtres, sur des coussins. En les voyant, il se passe alors en moi ce que les psychologues définissent, de manière expéditive, par des mots tels que « identification ». Mais elles ne me permettront pas d'attendre avec elles, à leur côté, ce qui ne vient pas, simplement pour attendre, sans objet. Les camelots qui vendent à la criée n'ont rien contre le fait que l'on se poste devant eux, mais je préférerais me mettre à côté de la femme qui a sur la tête tant de cheveux du siècle dernier. Elle étale lentement des broderies sur du papier bleu et sans un mot attend les clients. Mais je ne suis pas ce qu'il lui faut. C'est à peine si elle peut s'imaginer que je vais lui acheter sa marchandise. Parfois, je voudrais aller dans les cours, dans les plus vieux quartiers de Berlin, Au-delà des arrière-bâtiments et des maisonnettes de jardin, la vie se fait plus dense, plus intense. Elle enrichit les cours, les pauvres cours avec leurs quelques verdures dans un coin, les perches à dépoussiérer, les poubelles et les fontaines toujours en place, datant de l'époque où il n'y avait pas d'eau courante. C'est le matin, tout au plus, que j'y parviens, lorsque les chanteurs et les violonistes se produisent, ou bien le joueur d'orgue de Barbarie, qui en sifflant sur deux seuls doigts serrés, imite les bruits de nature. Ou encore l'insolite qui par devant joue du tambour et par derrière de la timbale. Il a à la cheville droite un crochet auquel est fixée une ficelle, qui passant par son dos et par une paire de clochettes, est reliée à la timbale. Ainsi, lorsqu'il tape du pied, une maillotche heurte la timbale et les clochettes tintent. Je peux alors me mettre à côté de la vieille concierge. D'ailleurs, c'est plutôt la mère des concierges, si vieille elle paraît et si coutumière sa façon de s'asseoir sur sa petite chaise campagnarde. Elle ne se formalise pas de ma présence, et je peux lever les yeux sur ses fenêtres de cour auxquelles se pressent pour assister au concert dactylos et midinettes des bureaux et entreprises. Abasourdies et béates, elles font une pause, jusqu'à ce qu'un chef grincheux arrive et les oblige à se réinfiltrer pour se remettre au travail. Toutes les fenêtres sont dénudées. Seule une d'entre elles, à l'avant-dernier étage, a des rideaux. Une cage d'oiseaux y est accrochée. Quand le violon sanglote tout son soûl, que l'orgue de Barbarie se lamente en bourdonnant, un canari se met à siffler. Unique voix tombant des fenêtres alignées au regard muet. C'est beau. Mais je voudrais bien aussi participer aux soirées de ces cours, vivre les derniers jeux des enfants que l'on rappelle sans cesse du haut des fenêtres, et voir les filles rentrer et vouloir ressortir. Seul, je ne trouve ni courage ni prétexte pour forcer l'entrée. Ma qualité d'intrus est trop apparente. Ici, on doit devoir, sinon on ne peut pas. Ici, on ne déambule pas quelque part, on y va. Ça n'est pas facile pour nous autres. Et encore j'ai de la chance, car une amie compatissante m'autorise parfois à l'accompagner quand elle fait les commissions. À la clinique de la Chaussette, par exemple, où on lit sur la porte « Ici, on reprend les mailles tombées ». Dans cet obscur entresol, une bossue sillonne comme un courant d'air sa pièce cotonneuse sentant le remugle, éclaircie par une tapisserie aux couleurs vives. Les marchandises et le matériel de couture, sur les tables et les étagères, sont disséminés autour de pantoufles de porcelaine, d'amours en biscuit et de demoiselles de bronze, comme des bêtes en troupeau étendues autour de vieux puits et de ruines. Et cela, j'ai le droit de l'observer attentivement et d'en apprendre des fragments d'histoire locale et universelle pendant que les femmes se font la conversation. C'est seul. Romance parisienne. Les papiers d'un disparu. Extrait. J'atterris dans une petite crèmerie de la place Blanche. À l'autre table, une femme aux formes opulentes encore d'une pâleur matinale en plein après-midi, partageait son repas avec un loulou blanc. Tandis que je mangeais mon omelette, il me semblait que ses mains grasses d'une blancheur laiteuse me nourrissaient moi aussi. Il faisait chaud dans la salle exiguë, mais la femme et le chien frissonnaient de temps à autre comme s'ils avaient froid. « Tout à l'heure, je vais aller voir les enfants, » dit la femme à la patronne. « Les enfants, les vôtres ? Ah non, au Tabarin, il y a un bal d'enfants cet après-midi. Ils sont si drôles et si gracieux. Et quand il faut travailler là-bas tous les soirs aux quadrilles comme moi. » Un bal d'enfants. Je me souviens des fêtes costumées de ma propre enfance et de leurs jeux excitants. Les fillettes en robe pailletée évoluant devant la glace, mon propre visage émergeant du miroir, pareil sous le masque noir à celui d'un inconnu. Plus tard, les soirées dansantes à la station balnéaire, l'angoisse et le plaisir de la première valse. Et lorsque la dame du quadrille s'en fut, je lui emboîtais le pas. Au vestiaire étaient accrochés de petits manteaux et bonnets, blottis contre les plis de longues mantes vides des adultes. Et, dans les couloirs, des petits pieds clairs trottinaient parmi les habits sombres. Je me trouvais alors moi aussi environné de petits bras et de petits dos, reçu des petits coups dans les genoux et les mollets, et comme je reculais, j'eus soudain dans mon champ de vision la haute silhouette de Madame Herta, dont les cheveux gris-argent, le regard fixe et sombre, la bouche étroite et frémissante, émergeait de la foule. Un adolescent élancé se tenait à côté d'elle. « Il faut donc aller chez les enfants pour avoir la chance de vous revoir ?» prononça Madame Herta en guise de salutation. Je détournai alors les yeux de Madame Herta pour poser les yeux sur son compagnon, le jeune garçon. Il n'avait pas l'air déguisé, en tenue coloniale jaune coiffée d'un chapeau à large bord. Seule l'écharpe multicolore autour de ses hanches évoquait le carnaval. Les grands yeux clairs dévisageaient l'étranger avec une tranquille hostilité. « Mon jeune ami Gaston, » dit Madame Herta. L'adolescent esquissa une brève et raide courbette et s'en fut dansé. Tout en conversant avec Madame Herta, je suivais des yeux Gaston qui dansait avec une gitane dont le sommet du crâne lui arrivait à la poitrine. Le geste sûr avec lequel le danseur enlaçait et tenait sa dame suscita en moi le premier soupçon. Et lorsque le couple se rapprocha de nous, je remarquai un poignet d'une délicatesse féminine où scintillait un bracelet. Mais le visage qui me fit face un instant était avec ses traits marqués, le nez au dessin ferme, la bouche nette et généreuse, la joue oblongue aboutissant à une haute tempe, si garçonnier, que je me mis à douter de mon doute. « Ce serait dommage, » dis-je me parlant à moi-même. Madame Herta avait entendu et demanda « Qu'est-ce qui serait dommage ?»« Et si c'était une dame, après tout ?»« Vous l'avez remarqué, » dit-elle d'un air réjoui. « Les enfants n'ont rien vu, mais votre dommage a quelque chose de blessant pour notre sexe. » « Oh, Madame Herta !» m'exclamai-je impulsivement. « Somme toute, ce n'est qu'une figure d'opérette, un déguisement. » Mais à présent, Gaston avait planté là sa petite partenaire et il se dirigeait vers nous. Il enlaça Madame Herta, et je vis le couple exécuté au milieu des enfants qui folâtraient autour de lui tels de petits faunes et cupidons, une curieuse danse, tout à la fois prolongement, distorsion, décomposition et enfin reprise de la valse enfantine. Je vis une Herta sensuelle et enjôleuse dans les bras d'un Gaston raide et droit comme un i. Les joues de ce dernier rougissaient et soudain apparut sur ses lèvres le sourire de cette tête en marbre de Chalcis que nous avait envoyé notre ami athénien. Ce sourire que la convention dénomme archaïque mais qui survit à travers les siècles. Les bienheureux du bas-relief de Bamberg et ceux du paradis de Fra Angelico l'ont retrouvé. Un ange sur la façade de Chartres, le Baptiste du Louvre ou encore le Bacchus de Léonard ont le même, et, tout bien considéré, la Joconde également. Ce n'est pas là sourire de femme. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas celui ensorcelant de la séductrice. Il apparaît sur le visage des anges et de païens, de saints et de bienheureux, et chez les divinités grecques primitives. Que signifie homme ou femme lorsqu'un dieu sourit? Ce sourire, je continuais à le voir lorsque, les danseurs s'étant dispersés, je perdis le couple de vue. Je le voyais sur les guirlandes surmontant les loges, sur les habits rouges des musiciens de l'orchestre, dans l'éclat du lustre et la lumière des torchères. Mais soudain, un serpentin me frôla, s'éleva jusqu'au reflet du soleil sur le plafond, une pluie de confettis m'aspergea de bleu et de rose, et une chaîne d'enfants, sautillant et se tiraillant, passa devant moi, ondula sur les marches de l'escalier et se perdit derrière les loges pour ressurgir au pied de l'orchestre avec force accessoire de cotillons, rubans, étoiles, médailles et sceptres. Et au bout de cette chaîne, réapparut l'éphèbe Gaston, tenant dans sa main libre un bâton en carton multicolore, surmonté d'une étoile d'or tournoyante. Lorsqu'il m'aperçut, il se dégagea brusquement, se dirigea vers moi, me tendit l'objet, et me dit en allemand et avec une voix de fille, « Garde-moi mon bâton, je dois aller danser. » Puis il rejoignit prestement un groupe d'enfants qui tournaient en une ronde rapide, il les entraîna dans un tourbillon de plus en plus endiablé, rejeta la tête loin en arrière. Son chapeau tomba, et une chevelure blonde fendit l'air, volta en longues mèches autour du visage extasié. Je ramassai le chapeau. Madame Herta, soudain réapparue à côté, eut un sourire un peu moqueur à me voir attendre tel un valet, le chapeau et le bâton à la main. Ensuite, lorsque la demoiselle Gaston vint vers nous, à pas lents, les bras levés pour renouer hâtivement ses cheveux, je lui demandai avec malveillance, mon cœur sur ses gardes, « Jouez-vous encore ou jouez-vous de nouveau ?» Ce qui me valut la mortifiante réponse, « Je joue toujours et ne joue jamais. » Puis elle embrassa Herta et dit, « Il faut que je rentre vite pour ma leçon de conversation. » Elle me prit le chapeau des mains. Je lui tendis le bâton. Elle m'enveloppa d'un long regard. Celui-là, je vous le laisse, afin que vous appreniez à jouer. Sur ces mots, elle s'échappa et fut engloutie par la foule noire qui attendait dans la galerie. C'était Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur. Par Bruno Tackels. Troisième épisode. Aujourd'hui, la flânerie comme art philosophique. Avec Olivier Claverie, Bruno Tackels et la voix de Maxime Dambrun. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barry. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance de Walter Benjamin est publiée aux éditions Aubier-Montaigne. Promenade dans Berlin de Franz Hessel, traduction Jean-Michel Belleuil, est publiée aux éditions de Lerne. Romance parisienne, Les papiers d'un disparu de Franz Hessel, traduction Léa Marcoux, est publiée aux éditions Marencel.